On commence, Inch'Allah, Bismillah, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on continue dans Kitab Aqidatu Ahlus Sunnati wal Jama'a du Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin avec son charh de son livre et on a expliqué au dernier cours le fait que parmi les éléments qui ont rapport avec Al-Iman bil Yawm al-Akhir, la foi en le jour dernier, il y a le fait que yani, il y aura un pont qui va être placé sur l'enfer. Et les croyants vont traverser ce pont. Et chacun va traverser le pont à la rapidité, ou avec la rapidité, ou avec la vitesse par laquelle il a mis en pratique les ordres d'Allah et de son messager dans cette vie d'ici-bas. Et le cheikh, il dit, à ce sujet-là, نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد فيأتي من يزحف في حافتي الصراط وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار مكردس في النار. Donc ici le cheikh il explique que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va être sur le pont et il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en disant oh mon seigneur, sauve-les, en parlant des croyants qui traversent. Parce que, étant donné que chacun traverse selon la rapidité et la force de sa foi, il y en a par contre qui vont ramper sur le pont et il y en a qui vont finalement tomber dans l'enfer et d'autres qui vont être accrochés par les crochets qui sont suspendus de chaque côté du pont. Et ces crochets-là sont ordonnés par Allah. Et ils accrochent ceux que Allah ordonne d'accrocher pour les jeter en enfer. D'accord? Donc, il y en a qui vont être épargnés, il y en a qui vont être jetés en enfer par ces crochets. Et le cheikh, il explique à ce sujet-là, il dit, « قَوْلُهُ حَتَّى تَعْجَزُ أَعْمَالُ الْعِبَادِ فَيَأْتِي مَنْ يَزْحَفْ يَنِي زَحْفًا أَيْ لَا يَسْتَطِعُ الْقِيَامِ عَلَى قَدَمَيْهِ لأن عمله لا يحمله على أن يقوم. Donc il dit il y a des gens, yani, à cause de leurs œuvres qui étaient trop peu, trop faibles ou trop peu, eh ben ils ne pourront pas se tenir debout sur le pont, ils vont ramper. Ils vont être obligés de ramper à cause de la faiblesse de leurs œuvres. Et il dit ensuite وقوله في حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار الكلاليب فوق الصراط تؤمر أن تأخذ من يمر حين مروره ثم تلقيه في النار ولهذا قال فمخدوش ناج من هذه الكلاليب ومكردس في النار أعوذ بالله من ذلك ثم إن المكردس في النار. Donc il dit, comme il explique que il y en a qui vont passer sur ce pont et il y en a étant donné qu'il y a des crochets, il y en a qui vont être accrochés par ces crochets là lorsqu'ils vont passer. Allah va ordonner aux crochets d'accrocher certaines personnes et ces gens là vont être accrochés et ils vont être jetés en enfer. Il y en a d'autres qui vont être épargnés et sauvés. Ils ne vont pas être accrochés par ces crochets-là. Donc, le cheikh, il dit donc, que Allah nous préserve d'être parmi ceux qui sont accrochés par les crochets et jetés dans l'enfer. Il dit, « ثُمَّ إِنَّ الْمُكَرْدَسَ فِي النَّارِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ عُصَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُخَلَّدُ فِيهَا لِأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا يَمُرُّونَ عَلَى هَذَا الصِّرَاطِ أَصْلًا وَلَا يمتحنون به لأن مأواهم النار يعني يؤتى بها وتجر بسبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك، وهذا قبل الصراط، فيذهب أهل النار إلى النار. وأما العصاة وغير العصاة من المؤمنين فيمرون على هذا الصراط. Donc ça c'est un point important aussi. Subhanallah. Le cheikh il explique que là, parmi les gens qui sont jetés en enfer par ces crochets-là, il dit c'est seulement les pécheurs parmi les croyants qui vont être parmi ceux qui vont être jetés en enfer. Et ceux qui vont être jetés en enfer parmi les croyants qui ont commis des péchés, ils ne vont pas demeurer éternellement en enfer. Ils vont seulement rester en enfer un temps que Allah a déterminé. Et c'est Allah seul qui sait combien de temps il s'agit. Parce que les koufars, eux, ils vont même pas à la base, ils vont même pas passer sur le pont. Les koufars, ils passent même pas sur le pont en partant. Alors, ils ne peuvent pas. Pourquoi ? Parce que eux, ils sont pas éprouvés par le pont, parce que leur destination, c'est déjà l'enfer. Donc, ils sont déjà rentrés en enfer. Les gens de l'enfer sont déjà rentrés en enfer. Ceux qui passent sur le pont, c'est seulement les croyants qui ont commis des péchés. C'est-à-dire, les croyants qui passent sur le pont, c'est seulement eux qui passent sur le pont, les croyants. Parmi ceux qui passent sur le pont, il y en a qui font partie de ceux qui ont commis des péchés et il y en a qui font partie de ceux qui n'ont pas commis de péché. Ceux qui n'ont pas commis de péché, ils vont traverser sans se faire accrocher. Tandis que ceux qui ont commis des péchés, parmi eux, il y en a qui vont être accrochés par les crochets qui vont tomber en enfer, il y en a d'autres qui vont être épargnés. Et le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici ? Il dit, tandis que les koufars, eux, ils passent même pas sur le pont en partant. Et ils ne sont pas éprouvés par ça. Parce que leur destination, c'est l'enfer. Et quand l'enfer est amené, elle est tirée par 70 000 cordes. 70 000 laisses. Comme une laisse avec laquelle on tire un animal. Et qui est-ce qui les tire? Il dit sur chaque laisse ou sur chaque corde, il y a 70 000 anges qui les tirent. 70 000. Naam. Les musulmans qui tombent à l'enfer. Oui. Ceux qui ont fait péché et qui n'ont pas fait tauba avant la mort. Parce que ceux qui se sont repentis avant la mort, eux, ils sont comme ceux qui n'ont pas de péché. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « At-ta'ibu min al-dhambi kala man la dhambala ». Celui qui s'est repenti d'un péché, c'est comme s'il n'avait pas de péché. Donc, ceux qui tombent dans l'enfer parmi ceux qui ont commis des péchés, c'est ceux qui sont morts et qui ne s'étaient pas repentis de ces péchés-là. Et parmi ceux qui ont commis des péchés, il y en a à qui Allah peut pardonner et faire miséricorde. Et il y en a d'autres parmi ceux qui ont fait des péchés qui vont être punis par la sagesse et par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils vont aller en enfer pour un certain temps. Mais ils ne vont pas y demeurer éternellement. Donc, comme le cheikh, il le dit, l'enfer est tiré par 70 cordes, ou 70 laisses. Et chacune de ces cordes, il y a 70 000 anges qui la tirent. 70 000 anges. Ça veut dire que l'enfer, il est immense. Ce n'est pas une petite créature. C'est une immense créature. Et dans le tafsir du verset dans Sourate Al-Fajr, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَجِيءَ يَوْمَ إِذٍ بِجَهَنَّمْ, dans le tafsir de ce verset-là, c'est là qu'il y a la mention justement de cet exemple-là. وَجِيءَ يَوْمَ إِذٍ, جِ, c'est le verbe جَاءَ, جَاءَ, mais sous la forme passive. وَجِيءَ, ça veut dire on fait venir l'enfer. Et la description qui est mentionnée dans le hadith par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que elle est tirée par 70 000 cordes et à chacune de ces cordes il y a 70 000 anges. Donc ça veut dire 70 000 fois 70 000, parce qu'il y a 70 000 cordes Et il y a 70 000 anges pour chaque corde. Ça veut dire 70 000 fois 70 000. Tous ces anges-là sont nécessaires pour tirer l'enfer. Ça veut dire que l'enfer est une créature immense. Vous savez que le soleil et la lune entrent dans l'enfer. Hein? Et tout ce qui a été adoré parmi les créatures rentre dans l'enfer. Et les mouchriquines, ils suivent les créatures qu'ils ont adorées dans l'enfer. Donc si le soleil et la lune peuvent rentrer dans l'enfer, ça veut dire que l'enfer est immense. Hein? Et donc, il dit, donc quand l'enfer est amené, hein, ça c'est avant le passage sur le pont. Donc avant même que le pont soit établi, les gens de l'enfer vont vers l'enfer déjà. Ils rentrent en enfer déjà. Donc ils vont pas passer sur le pont. Ceux qui passent sur le pont, c'est soit les pécheurs ou ceux qui n'ont pas été parmi les pécheurs, parmi les croyants. Il y en a ceux qui, par exemple, se sont repentis avant leur mort de leur péché. Hein? Le cheikh, il dit, « Fayamurruna ala hadha sirat ». Donc, eux, ils vont passer sur ce pont. Après, il dit, « Wal mukardasu fin nari la yukhalladu fiha. Thumma hal yulqa fin nar allati hiya narul kafirin أو يلقى في نار أخرى وفي هذا قولان للسلف فمنهم من قال إنه يكردس في نار جهنم التي هي نار الكافرين ولكن أعضاء السجود لا تأكلها النار لأن الله تعالى حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود وهي الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين ولكن بعض العلماء يقول هي نار ليست كالنار الأم وهي النار التي تفنى وهذا ظاهر كلام ابن القيم في الوابل الصيب أن النار التي تفنى هي نار المعذبين بذنوبهم فقط لا نار الكافرين إذ إن نار الكافرين لا تفنى وهي أشد عذابا من النار التي تفنى وأشد حرارة ولكن ظاهر النص أنها النار التي للكافرين ولكن من الجائز أن تكون بردا وسلاما على غير الكافرين والله على كل شيء قدير. Donc ça c'est un point important aussi. Le cheikh il explique que parmi ceux qui sont jetés en enfer parmi les musulmans, parmi les croyants, il dit ils vont pas rester éternellement. Puis ensuite, est-ce que le feu dans lequel ils sont jetés, c'est le même feu que le feu des koufars ou est-ce qu'ils sont jetés dans un feu différent? Et le cheikh, il dit, il y a deux paroles à ce sujet-là chez les salafs. Il dit, parmi eux, il y en a dit qu'ils sont, il y en a parmi les ulama qui ont dit que les croyants pécheurs, ils sont jetés dans l'enfer, hein, et il dit, c'est pas le même enfer que les kafirines. Hein? Et c'est pour ça que, il dit, c'est pour ça que les membres de la prosternation, c'est-à-dire les membres sur lesquels les croyants se sont prosternés. Hein? Et il dit, le cheikh, par exemple, le front, hein? Le front, le nez, les deux mains, les deux genoux et le bout des pieds, ces membres-là ne sont pas touchés par le feu. Parce que Allah a interdit au feu de brûler les endroits sur lesquels le croyant s'est prosterné. Naam. Et c'est ça même qui fait parmi les signes par lesquels on distingue les croyants des koufars dans l'enfer, c'est justement par le signe de la prosternation qu'ils faisaient dans cette vie d'ici-bas qui va justement être un signe qui va les distinguer des koufars. Hein? Et le cheikh, il dit à ce sujet-là que certains ulama, par contre, eux ont dit c'est pas le feu comme le feu qui est la base de l'enfer dans lequel rentrent les koufars. C'est un feu qui va s'épuiser. C'est un feu qui va s'épuiser. Et il dit que ça, c'est le sens apparent de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Al-Wabil al-Sayyib, que le feu dans lequel les pécheurs musulmans vont rentrer, c'est un feu par lequel Allah va les purifier de leurs péchés. Hein? C'est un feu seulement pour les punir de leurs péchés seulement. Tandis que les kuffars, le feu des kuffars, c'est un feu qui ne va jamais s'épuiser, jamais cesser. Hein? Et il est plus fort et plus dur que le feu qui va s'épuiser, et plus chaud encore. Mais le cheikh, il dit, sauf que le sens apparent du texte indique que c'est le même feu que celui des kuffars. Il n'y a pas une différence pour les pécheurs parmi les croyants ou les kuffars. Les deux sont dans le même feu. Mais il est possible que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire en sorte que le feu dans lequel les kuffars sont soit plus doux et plus frais pour les croyants que pour les kuffars. Il est capable d'alléger le feu pour les croyants. Parce que Allah, il a le pouvoir de toutes choses. Et en même temps aussi, par rapport à ça, ça me rappelle d'une explication par rapport au verset dans Sourate Al-Hijr. Le verset dans Sourate Al-Hijr, je vais vous le lire. Et puis, je vais vous expliquer qu'est-ce que les Mufassirines nous ont mentionné à propos de ce verset-là. Et ça, c'est en même temps un point intéressant et important pour comprendre le tawhid et l'importance du tawhid aussi. OK. Donc, dans le verset 2, dans Sourate Al-Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Ça veut dire il y a des ulama qui ont dit au jour du jugement dernier, et d'autres ulama parmi les mufassirines ont dit dans l'enfer, lorsque les croyants qui ont commis des péchés sont dans l'enfer, les mécréants voudront avoir été musulmans. Et l'explication de ça, c'est que lorsque les gens de l'enfer, ils voient les musulmans avec eux dans l'enfer, ils se moquent d'eux. Et ils disent, à quoi vous a servi de croire en Allah, de faire la salat, de faire le jeûne, de faire toutes les adorations, alors que maintenant vous êtes avec nous dans l'enfer? Donc ils se moquent de des croyants qui ont été musulmans dans leur vie, à cause du fait qu'ils ont commis des péchés et ils ont été punis en enfer eux aussi. Donc, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il les fait sortir de l'enfer. Et il les fait rentrer au paradis. Alors, à ce moment-là, les kuffars augmentent en remords. Et ils disent, Allah il dit justement à ce sujet-là, « Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. » Ce jour-là, yani, les kuffars ils vont souhaiter qu'ils auraient été musulmans, eux aussi. Donc, ça c'est un exemple. C'est un exemple par rapport à ça. Et il dit le... Oui, tu voulais dire? Oui, c'est ça. Dans le sens qu'ils étaient ensemble dans la même place et dans le même feu. Mais il y a des ulama qui disent ça. Mais comme s'il y a divergence sur ça, c'est arrivé dans plusieurs sujets comme ça. Mais en fait, qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est que même il y a des ulama qui disent lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il jette les croyants qui ont fait des péchés dans l'enfer, il ne les jette pas de la même manière que les kuffars sont jetés en enfer. Parce que les kuffars sont jetés sur leur visage et ils sont humiliés, tandis que les croyants, c'est différent. Donc, il y a des différences qui ont été mentionnées et je me rappelle d'avoir lu ça, si je me souviens bien, dans Aqidat al-Salaf ou Ashab al-Hadith de l'imam al-Sabouni, il mentionnait des exemples comme ça. Pardon? À propos non, c'était plus à propos de justement la différence entre les pécheurs parmi les croyants et les kuffars. Oui. Après le cheikh il dit mas'alatun qawlullah ta'ala wa in kuntum illa wa in minkum illa wariduha wa in minkum illa wariduha. Hal ma'na al-wurud هو المرور على الصراط الجواب هذا فيه قولان لأهل العلم ذكرهما ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين. فقيل إن المرور إن المرور بالورود هو المرور على الصراط، وقيل إن المراد بالورود أنهم يلقون فيها كل أحد يدخل النار، لكن المؤمن لا تضره، والأول أقرب. Donc ici le cheikh il explique une question. Il y a un verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. C'est-à-dire il y a personne d'entre vous excepté qu'il va passer dessus, c'est-à-dire le pont. Mais il y en a qui ont compris le verset, il y en a parmi les gens qui ont compris le verset en voulant dire il y a personne excepté qu'il va passer en enfer. Et c'est pour ça que le cheikh il dit, est-ce que la signification ici de passer, ça veut dire passer sur le sirat ou bien ça veut dire passer dans l'enfer? Et donc le cheikh il dit, parmi les hommes de science, il y a eu les deux positions qui ont été mentionnées par l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, yani tafsir al-Qur'an, et d'autres également parmi les savants de tafsir ont parlé de ça, de ce sujet-là. Et certains ont dit que al-murur, c'est le fait de passer sur le pont, par-dessus l'enfer. Donc de passer par-dessus l'enfer. Et d'autres ont dit que ça veut dire de passer, c'est-à-dire qu'ils vont être jetés, chacun d'entre eux, dans le feu, mais que le croyant ne va pas être affecté par ça. Sauf qu'il dit la première position, c'est la première explication, c'est elle qui est la plus correcte, la plus proche. Hein. Après, le cheikh, il explique et il dit « وَنُؤْمِنُ بِكُلِّ مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أَخْبَارِ ذَلِكَ الْيَوْمُ وَأَهْوَالِهِ أَعَانَنَا اللَّهُ عَلَيْهَا وَيَسَّرَهَا عَلَيْنَا بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ. » Donc il dit, et nous croyons en tout ce qui a été mentionné, ou tout ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna comme information au sujet de ce jour et de ces événements effroyables, hein, et effrayants, et que Allah nous aide à les traverser et nous les facilite par sa grâce et par sa faveur, hein, par sa générosité et par sa faveur. Et le cheikh il dit, donc en expliquant ce passage-là, il dit « Hada kalamun am » Hein? Donc c'est un sens général. والمراد بالسنة السنة الصحيحة التي هي حجة وذلك لأنه وردت أحاديث ضعيفة أحاديث ضعيفة كثيرة أحاديث ضعيفة كثيرة فيما يتعلق بأهوال الآخرة لكن كلما تكلمنا عن دليل من السنة فهو من السنة الصحيحة التي هي حجة. Donc le cheikh il dit que nous croyons en tout ce qui a été ramené dans le Coran dans la Sunna comme information au sujet de ce jour. Et le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est dans le sens général, et quand on parle de la Sunna, on parle de la Sunna qui est authentique bien entendu, hein, et qui est une preuve, et non pas des hadiths faibles qui sont nombreux et qui ont été rapportés au sujet de qu'est-ce qui se produit ou de qu'est-ce qui va arriver dans l'au-delà. Parce qu'il y a beaucoup de hadiths faibles et parfois les gens de bid'a ou les gens de l'ignorance, ils se basent sur des hadiths faibles, hein, pour essayer de justifier certains points ou certaines croyances ou certaines choses. Et ça, ce n'est pas une preuve en réalité. La preuve, c'est uniquement les hadiths authentiques. Et donc, il dit, quand on parle de la sunna, on parle exclusivement et seulement de la sunna qui est authentique, bien entendu. Ensuite, il dit « قَوْلُهُ مِنْ أَخْبَارِ ذَلِكَ الْيَوْمُ وَأَهْوَالِهِ أَعَنَنَا اللَّهُ أَعَنَنَا اللَّهُ عَلَيْهَا قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُجْمَلًا أَهْوَالَهُ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا » يعني سبحان الله. Il dit, on croit donc tout ce qui était rapporté dans le Coran, dans la Sunna comme information au sujet de ce jour et de ces événements effrayants, hein, et que Allah nous aide à les traverser. Et il dit de façon générale, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à propos de qu'est-ce qui est effrayant dans ce jour-là, le verset « يَوْمَا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا » Qu'est-ce que ça veut dire? Shib, c'est celui qui est avec des cheveux blancs. Hein? Et Al-Wildan, c'est les enfants. Donc, le jour qui rendra les enfants avec des cheveux blancs. Il y en a à cause de la peur. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils sont effrayés à un point t- tellement effrayés, tellement, ils ont tellement eu peur que leur pigmentation de leurs cheveux, elle disparaît, leurs cheveux deviennent blancs d'un seul coup. Donc ça, c'est des exemples pour montrer que le jour de la résurrection, c'est un jour effrayant, un jour terrible. Et ça, c'est des choses que nous, maintenant, aujourd'hui, on a du mal à comprendre ou réaliser. Pourquoi? Parce que, yani, on voit des choses, parfois on n'a pas vu des choses et on ne peut pas comprendre qu'est-ce que ça signifie. Mais il y a des choses, même dans cette vie d'ici-bas, qui sont effrayantes. Des fois, quand il y a des tremblements de terre, des fois, quand il y a des tornades, des fois, quand il y a des ouragans, des fois, quand il y a des raz-de-marée ou des tsunamis ou des choses comme ça qui se déchaînent dans la création, on peut avoir des frayeurs incroyables parce qu'on voit à quel point la grandeur et la force d'Allah est immense. Et donc, ça nous fait réaliser à quel point on est petit et à quel point notre vie, elle tient sur un cheveu, comme on dit. Mais au jour de la résurrection, il y a tellement de cataclysmes, tellement de catastrophes, tellement de choses qui se passent. C'est des choses qui font tellement peur, c'est ça. Même Allah subhanahu wa ta'ala est décrit dans les dernières sourates dans le Coran, dans Juz Amma. Il y a beaucoup de versets où il mentionne qu'est-ce qui va arriver au soleil, qu'est-ce qui va arriver à la lune, qu'est-ce qui va arriver au ciel, qu'est-ce qui va arriver à la mer, qu'est-ce qui va arriver aux montagnes, qu'est-ce qui va arriver à toute la création ce jour-là, qu'est-ce qui va arriver dans ce jour qui est le jour dernier. Puis après, le jour de la résurrection, l'enfer et toutes ces choses-là, c'est des choses incroyables, effrayantes. Et donc, le croyant, il entend parler de ces réalités-là, et ça, c'est des choses qu'il entend parler. Ça lui met de la crainte au cœur. Mais quand on le voit avec nos yeux, et qu'on l'entend et qu'on le vit, ça, c'est autre chose. C'est là que la vraie crainte, elle va être. Et c'est pour ça que le cheikh, il explique ça. Puis ensuite, il dit « Wa nu'minu bi shafa'ati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li ahli al-jannah an yadkhuluha wa hiya lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam khassatan. » Donc, il y a une autre intercession qui est particulière au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'intercession pour qu'on laisse ou qu'on permette aux gens du paradis d'y entrer. Donc, quand les croyants arrivent devant les portes du paradis, ils veulent rentrer, mais ils ne peuvent pas encore, parce que les portes sont fermées. Donc, il faut que quelqu'un demande la permission pour ouvrir les portes. Et c'est cette intercession-là, c'est une des intercessions qui est exclusive et particulière au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a personne d'autre pour qui les portes du paradis vont s'ouvrir avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le cheikh, il explique ça, il dit وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا عَبَرُوا السِّرَاطِ وُقِفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْدِ وتغسل قلوبهم من الغل والحقد حتى يدخلوا الجنة على أحسن وجه وإذا جاءوا إلى أبواب الجنة لم يجدوها مفتوحة أما أهل النار فكلما يقول الله فكما يقول تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فورا وذلك إهانة لهم ومبادرة بالعقوبة عليهم أما أهل الجنة يدخلونها على إشفاق فإذا جاءوها وجدوها مغلقة فيحتاجون إلى شفاعة والذي يشفع لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh, il explique ça. Il dit que les gens du paradis, lorsqu'ils traversent le pont, ils vont être arrêtés à un endroit entre le paradis et l'enfer, qu'on appelle Al-Qantara. C'est comme un petit pont entre le paradis et l'enfer. Et ils sont arrêtés sur ce pont-là pour qu'il y ait une justice qui soit établie entre les croyants pour les injustices que certains ont commis les uns envers les autres. Parce que avant de rentrer au paradis, ils doivent se purifier et nettoyer leur cœur de la rancune et de l'animosité qu'il peut exister entre eux à cause des injustices qui ont existé entre eux dans cette dunya. Donc si jamais il y avait eu des choses qui n'ont pas été réglées, hein, et que les choses qui n'ont pas été excusées, ben, il faut qu'il y ait réparation. Si quelqu'un, par exemple, il a subi une injustice d'un autre musulman, il faut qu'il y ait réparation. Il faut qu'il y ait réparation de cette injustice-là. Alors, cet arrêt, hein, avant l'entrée vers le paradis, c'est pour régler tout ça. Pour que lorsque les croyants rentrent au paradis, il n'y a personne qui a une rancœur ou une rancune dans son cœur contre un autre musulman. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, « Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. » Nous retirons ce qu'il y a dans leur poitrine comme ghil, c'est-à-dire une rancune, hein, la rancœur et tout ça. Et ça, c'est par là la réparation et la correction, hein, et la yani, réparation des erreurs qui ont été faites. Non, mais les koufars, ils sont déjà en enfer. Donc, ils ont déjà leur sort. Hein? Donc, la rétribution est déjà là. Al-Qantara. Al-Qantara. Une fois qu'on a passé à Sirat, entre le paradis et l'enfer, il y a un autre pont. Et à ce pont, à cet endroit-là, c'est là qu'il y a la réparation pour les Aïna. Al-Qantara. Avec un N. Le mot s'écrit en arabe Qaf, Nun, Ta, Ra, Ta, Marbuta. Qantara. Qaf, Nun, Ta, Ra, Ta, Marbuta. Mouafikum baraka. نعم إن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Donc c'est ça. C'est l'enfer qui a sept portes, effectivement. Et le paradis comme vous dites, je pense que c'est effectivement huit. Oui. Bab al-Rayyam, ça. Oui, c'est ça. Donc ces portes. Les portes du paradis, les portes d'enfer. Les portes de l'enfer sont du nombre de sept. Naam. Et le cheikh, il dit ensuite donc que Allah va nettoyer donc leur cœur pour enlever toute la haine ou l'animosité et la rancune dans leur cœur. Puis ils vont rentrer au paradis avec le plus beau visage. Hein? Ils arrivent aux portes du paradis et ils ne les trouvent pas ouvertes. Hein? Ils arrivent aux portes du paradis, ils ne les trouvent pas ouvertes. Tandis que les gens de l'enfer, lorsqu'ils arrivent devant l'enfer, ils trouvent les portes de l'enfer ouvertes déjà. Ouais. Et ça, c'est pour les humilier plus encore. Hein? Allah, il dit, « Hatta idha ja'uha futihat abwabuha. » C'est-à-dire, lorsqu'ils arrivent devant l'enfer, déjà les portes s'ouvrent directes. Hein? Tandis que les croyants, ils arrivent devant le paradis, les portes sont fermées. Ça leur augmente encore plus leur envie de vouloir rentrer. Hein? Et ils ne peuvent pas rentrer sans l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ben, en fait, si tu effaces toute ta mémoire quand tu arrives dans l'au-delà, alors ça veut dire que dans ce cas-là, tu ne te souviens même plus pourquoi tu es rentré au paradis ou pourquoi tu es allé en enfer. Donc, non. Chacun, lorsqu'il arrive dans l'au-delà, il garde sa mémoire et il se souvient de ce qu'il a fait dans cette vie. Et même quand il rentre au paradis il se souvient de qu'est-ce qu'il a fait dans cette vie d'ici-bas. Et quand il rentre en enfer, il se souvient de qu'est-ce qu'il avait fait dans cette vie d'ici-bas. Et il y a des preuves de ça dans plusieurs versets dans le Coran. Si tu regardes, par exemple, les exemples dans Sourate, par exemple, As-Saffat, où la discussion qu'il y a entre les gens du paradis qui mentionne, justement, il dit que il y a une... c'est quoi le verset? فَطَّلَعَ فَرَأَهُ فِي سَوَائِهِ إِنَّهُ كَانَ لِي قَلِينَ. Dans un verset, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, un d'entre eux, il dit, إن كان لي قرين يقول أإنك من المصدقين. Attends, je vais regarder le verset puis je vais te le lire mieux parce que ma mémoire. Le verset 50. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أإنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. Hein? Donc ça c'est un exemple. Ici qu'est-ce qu'il dit? Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis les uns se tournent vers les autres, s'interrogeant mutuellement. L'un d'eux dira, j'avais un compagnon. Donc il parle de qu'est-ce qu'il avait dans la dunya. Hein? Et d'après ce verset-là, c'est ce qui est le plus apparent. Il dit, l'un d'entre eux dit, j'avais un compagnon qui disait, es-tu vraiment de ceux qui croient? Est-ce que quand nous mourrons et serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes? Il dira, est-ce que vous voudriez regarder d'en haut? Alors il regardera d'en haut et il le verra en plein dans l'enfer. Hein? Alors il va dire quoi? Il dira, par Allah, tu as bien failli causer ma perte. Il s'adresse à lui, alors que lui, il est dans le paradis et l'autre dans l'enfer. Il dit, par Allah, tu as bien failli causer ma perte. Parce que les gens du paradis, ils voient les gens de l'enfer. Quand ils sont dans le paradis, ils voient les gens de l'enfer. Et les gens de l'enfer, ils voient les gens dans le paradis aussi. Non, tout le monde se voit. Et ça, c'est ce qui fait même augmenter plus le châtiment des gens de l'enfer et les remords des gens de l'enfer. Et qui augmente la reconnaissance et le bonheur des gens du paradis. Parce que quand ils voient le châtiment, même les gens de l'enfer, ils disent, envoyez-nous un peu d'eau. Ou qu'est-ce que Allah vous a donné? Et les gens du paradis qui disent, Allah l'a interdit aux gens de l'enfer. Donc on peut rien vous... Même il y a une communication entre les deux. Naam. Donc il dit ici, il dit, par Allah, tu as bien failli causer ma perte, et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traîne au supplice. Hein? Donc ça, c'est des références qui indiquent la mémoire, elle reste. Parce que les koufars, regarde l'exemple des hindous, par exemple, et des bouddhistes qui croient en la réincarnation. Eux, ils disent que une fois que tu meurs, ton âme, elle s'en va dans un autre corps pour revivre un autre cycle ou je ne sais pas quoi. Mais sauf qu'à chaque régénération ou à chaque réincarnation, tu ne te souviens plus de ta vie précédente. Donc, ça veut dire que tu reviens à zéro à chaque fois. Donc, ça veut dire que tu tournes en rond. Ça fait pas de sens. Hein? Donc, si tu oubliais tout ce que tu as fait une fois que tu es mort, eh bien, il n'y aurait pas de sagesse. Hein, dans le but même de nous avoir fait vivre cette épreuve sur terre et d'avoir traversé ce test. Parce qu'une des raisons pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la mémoire, c'est justement pour qu'on soit capable de comprendre comment Allah a établi la preuve pour ou contre nous. Est-ce que tu as lu ça, un tafsir d'un savant? Ah, ok. Non, ah ok, d'accord. Non. Pourquoi leur rancune elle disparaît de leur cœur ou elle est enlevée de leur cœur? C'est parce que... En fait, c'est pas que des mémoires, c'est parce que c'est causé par quelque chose. Si par exemple un musulman il t'a fait le riba, ou il a parlé dans ton dos, ou bien il t'a volé ton argent, ou bien il t'a trompé dans une transaction, ou bien il t'a fait une injustice quelconque, hein? Il t'a frappé ou quoi. Toi, tu le vois là, avant de rentrer au paradis, supposons que tu le vois au jour de la résurrection, tu te souviens de l'injustice qu'il t'a faite. Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être que tu t'es repenti, tu as demandé pardon à Allah pour ce péché-là. Mais comme on a déjà expliqué dans d'autres cours, et on a clarifié que l'injustice entre Allah et le serviteur, hein, eh bien Allah, il peut le pardonner. Hein, il le pardonne lorsque tu demandes pardon et lorsque tu te repens. Et même, il peut même le pardonner par sa miséricorde, pour d'autres raisons. Mais, par contre, le péché entre deux serviteurs, il ne peut être effacé, hein, lorsqu'il y a une injustice entre une personne et une autre, elle ne peut être effacée que s'il y a une compensation, une réparation. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a des gens qui vont arriver au jour de la résurrection, ils auront des montagnes de bonnes œuvres, des hasanat, hein, des montagnes. Et ils ont insulté un tel, ils ont parlé contre un tel dans son dos, ils ont frappé un tel ou des choses comme ça. Alors, il y aura réparation, al-qantara. Les gens qui ont fait ces injustices-là, ils vont payer ces réparations-là par leur hasanat. Donc, c'est ça qui fait qu'il y aura yani, des compensations et une rétribution pour les injustices. Il n'y a pas une injustice qui va passer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, yani, qu'est-ce que ça dit dans le verset? C'est dans le verset quand Allah dit « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى » Donc, même si c'est une atome de bien, tu vas le voir, une atome de mal, tu vas le voir. Hein? Même si toi, tu dis « Ah, ça, c'est rien, c'est un petit péché, c'est pas grave. Hein? » Il y a quelqu'un comme ça, des fois, il y a quelqu'un... quelqu'un me mentionnait cet exemple-là il n'y a pas longtemps. Il me dit qu'il y a quelqu'un qui lui dit, quand il fait des péchés, il me dit, non, ça, c'est pas grave, ça, c'est un petit péché. Est-ce que Allah, il va me punir pour ça? J'ai dit, qui es-tu pour essayer de déterminer la grandeur d'un péché ou non? Ou pourquoi un péché est plus grave qu'un autre? C'est Allah qui sait. Hein? Et donc, c'est comme les salafs qui disaient, regarde pas le péché que tu as fait pour savoir, par rapport au péché que tu as commis. Regarde la grandeur de celui que tu as désobéi. Naam. Raddul mazalim ila ahliha. Et c'est ça qui enlève la rancœur, le fait qu'il y ait une justice établie. Quand quelqu'un il a un problème avec quelqu'un, une autre personne, il peut lui pardonner. Et quand il lui pardonne, il devient comme... Yani, il n'a plus rien dans son cœur contre la personne. Mais s'il ne lui a pas pardonné et qu'il lui en veut encore, c'est parce qu'il n'y a pas eu réparation ou correction. Une fois que la correction a été faite, alors la rancune, elle disparaît. Hein? C'est ça l'explication. Wallahu ta'ala a'lam. Et le cheikh, il dit... Ensuite... Donc... les gens du paradis, ils arrivent devant les portes. Ils ont envie de rentrer. Hein? Ils ont hâte de rentrer. Après toute cette attente, après tous ces efforts, hein? Ils ont hâte de rentrer. Et ils arrivent et les portes sont fermées. Ils ont besoin de quelqu'un pour intercéder pour eux. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour qu'ils puissent rentrer. Et le cheikh, il dit... وهل الناس في ذلك الوقت يذهبون فورا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم عرفوا أن غيره من أولياء الله لا يستطيعون أن يشفع أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع بدون سؤال الله أعلم ولا أدري فما بلغني في هذا علم. Donc le cheikh, il dit, est-ce que les gens à ce moment-là vont aller directement vers le messager صلى الله عليه وسلم parce qu'ils savent que personne d'entre les awliyas d'Allah ne seront capables d'intercéder autre que lui? Ou est-ce que plutôt le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va intercéder à Allah pour qu'il ouvre les portes du paradis pour les croyants sans qu'il y ait de demande de la part des gens? Il dit Allahu a'lam, c'est Allah qui sait. Il dit, je ne sais pas, il ne m'est pas parvenu à ce sujet-là aucune science. Et le cheikh, il continue, il dit, wal muhim, anna ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam yashfa'u an tuftaha abwab al-jannati li ahliha wa ghayruhu la yashfa' li'annahu alayhi salatu wassalam idha shafa'a wa futihat al-abwab ma ihtajna ila shafa'atin ما احتجنا إلى شفاعة فقد انتهى كل شيء ودخل أهل الجنة الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه شفاعة خاصة له كما أن له شفاعة أخرى خاصة به وهي شفاعته في كافر من والكافر لا يمكن أن يشفع فيه لأن الله تعالى قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى والكافر غير مرتضى عند الله إلا كافرا واحدا استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يشفع له فأذن له وهو أبو طالب وأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع له لا لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم فأبو الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى صلة من عمه ومع ذلك لم يشفع له بل أم الرسول صلى الله عليه وسلم والأم أحق الناس بحسن الصحبة ومع ذلك لم يأذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لها وهي أمه والاستغفار شفاعة لأن الله لا يغفر لعدوه طال إطلاقا. أوكي. Tu voulais poser une question? Je t'avais pas levé la main? Ah, ok, d'accord. Donc il dit l'important c'est que le messager va intercéder, les portes vont être ouvertes pour les gens du paradis, et il n'y a personne d'autre que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui va intercéder dans ce sens-là. Parce que, une fois qu'il a intercédé pour que les portes du paradis soient ouvertes, on n'a plus besoin d'autres intercessions par la suite. Tout est fini. Hein? Du moment que les gens rentrent au paradis, les gens du paradis rentrent au paradis, alors on n'a plus besoin d'intercession une fois qu'on est rentré. Hein? Et on rentrera au paradis par l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une intercession qui est particulière au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même qu'il a d'autres intercessions qui sont particulières, comme l'intercession pour un kafir, le kafir, et c'est-à-dire Abu Talib, et il n'est pas permis à la base pour un musulman d'intercéder pour un non-musulman, parce que Allah a interdit ça. Allah il dit wala yashfa'una illa liman irtada, ils ne vont intercéder que pour celui que Allah a agréé, et c'est clair que le kafir, Allah ne l'agrée pas, hein? Il n'est pas agréé. Sauf que il y a un kafir pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à son seigneur d'intercéder, hein? Et il lui a permis de le faire, et c'est Abu Talib. Et il lui a permis à son prophète d'intercéder pour lui, non pas parce que c'est son oncle, parce que le père du messager sallallahu alayhi wa sallam a un lien encore plus fort dans la relation, dans les liens de parenté, le père est plus proche que l'oncle, hein, et malgré ça, il n'a pas intercédé pour son père. Et même sa mère, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas intercédé pour sa mère, alors que la mère a un plus grand droit à une bonne, une bonne relation avec sa mère que le père. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu aller demander pardon à Allah pour sa mère, Allah lui a refusé. Il dit, j'ai demandé la permission à Allah pour demander pardon pour ma mère, et il a refusé. Et il dit, et j'ai demandé la permission pour visiter sa tombe, et il l'a permis. Donc il est allé pour, si je me souviens bien, c'était ça. Ou bien il a refusé. Je ne me rappelle pas. En tout cas, il faudrait que je vérifie ça. Et il dit donc, malgré que c'est sa mère, donc il dit, et la demande de pardon, c'est une sorte d'intercession. Hein? Et il n'a pas permis au messager, Allah n'a pas permis au messager de demander pardon pour sa mère. Parce que Allah ne pardonne pas à son ennemi de façon absolue. فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له أن يزور قبرها. C'est ça. Il lui a demandé la permission de pouvoir visiter sa tombe et lui a permis de pouvoir de visiter sa tombe. اعتبارا وحنانا وطبيعيا لا دينيا. C'est-à-dire, il lui a permis d'aller visiter sa tombe pour que ce soit une leçon et pour qu'il puisse prendre une leçon de ça par rapport à la mort. Et aussi par affection naturelle, parce que c'est sa mère, hein, et non pas religieusement. Il dit « وَلَكِنَّهُ لَمْ يَدْعُوا لَهَا بِالْمَغْفِرَةِ وَلَا بِالرَّحْمَةِ وَلَا شَفَعَ لَهَا مَعَا أَنَّ صِلَتَهَا بِهِ أَقْوَى مِنْ صِلَةِ أَبِي طَالِبِ » Il dit « Et il n'a pas invoqué, hein, il n'a pas invoqué Allah pour lui demander pardon, ni la miséricorde, et il n'a pas intercédé pour elle, malgré que le lien de parenté avec la mère est plus fort que son lien avec Abu Talib. Hein? » Il dit « Wasilatu Abi al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam bir-Rasul sallallahu alayhi wa sallam aqwa min silati ammihi bihi. Walakin Allah adhina lir-Rasul sallallahu alayhi wa sallam an yashfa'a li Abi Talib li'an Aba Talib hasala minhu sa'yun mashkurun في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه دافع وناضل عنه وعاد قريشا من أجله وقال والله لا نسلمه لكم فشكر الله عز وجل له هذا الصنيع. Donc il dit, le père et la mère ont un plus grand droit dans le lien de parenté que l'oncle, hein, et par rapport à Abu Talib, qui est l'oncle du professeur sallam. Donc, si c'était le cas de son lien de parenté, eh bien, son père et sa mère auraient plus de droits à cela. Mais le cheikh, il dit, par contre, Abu Talib, lui, la différence, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a permis au messager qu'il intercède pour lui, c'est parce qu'il a fait beaucoup d'efforts qui sont très... yani important dans la défense du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il a défendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contre Quraysh, et même il s'est opposé à Quraysh pour lui, et il a dit, hein, par Allah on ne va pas, hein, vous le rendre, on va pas vous le livrer, hein, comme si on va pas vous laisser le prendre. Et Allah a récompensé donc et a était reconnaissant pour cette action de la part de Abu Talib envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas juste par rapport à son lien de parenté. Naam. L'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle Abu Talib, c'est au jour de la résurrection. Ouais. Mais c'est-à-dire que le détail de l'information, est-ce que c'était avant ou après, Allahu alam, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que l'intercession du messager sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle, c'est au jour de la résurrection. Non, jamais, il pourra pas jamais rentrer au paradis. On a expliqué en fait au dernier cours, parce qu'on en a parlé, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle, c'est seulement pour qu'il lui allège le châtiment. Et c'est pour ça qu'on avait expliqué qu'il aura deux chaussures de feu. Et de ça, ça va faire bouillir son cerveau. Et lui, il pense qu'il a le plus grand châtiment des gens de l'enfer, alors qu'il a le moindre des châtiments de l'enfer. Donc c'est pour ça que c'est une intercession, non pas pour qu'il puisse rentrer au paradis, mais c'est une intercession pour qu'il puisse avoir un châtiment moins intense que les autres âmes. Et c'est lui dans le paradis, c'est lui dans l'enfer qui a le moindre, hein, le plus faible de tous les châtiments. Naam. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Quelle heure? Il est presque 8 heures. Donc... OK, on va finir il reste juste un petit chapitre là, un petit point. Pas un chapitre, un petit quelques paragraphes. On va s'arrêter après, comme ça on aura complété le sujet, inchallah. après, ce sera le prochain coup, on parlera directement du paradis et de l'enfer. Hein? Inch'Allah. Donc, le Cheikh, il dit فَأَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْ يَشْفَعَ فِيهِ فَشَفَعَ لَهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ وَيَرَى أَنَّهُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا وَلَا يَرَى أَنَّ غَيْرَهُ مِثْلُهُ وَلَا أَنَّ غَيْرَهُ أَهْوَنُ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَوْ رَأَى أَنَّ غَيْرَهُ مِثْلُهُ لَهَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ لأن الإنسان إذا شاركه غيره في المأساة أو صار أعظم منه خفت عليه وهانت عليه ولهذا يقول الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أي لا ينفعكم ولا يتسلى بعضكم ببعض وقالت الخنساء الخنساء ترثي أخاها صخرا ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثلي ولا يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي فأبو طالب أهون أهل النار عذابا ومع هذا العذاب العظيم ومع هذا العذاب العظيم والعياذ بالله فعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه وهو أعلى ما في جسده فما بالك بما دونه مما قرب من النعلين اللذين من النار فهو أشد وأشد وإنه ليرى أنه أشد أهل النار عذابا وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا أحد يشفع لأي إنسان كافر مهما كان حتى لو فرضنا أن كافرا من الناس دافع عن الإسلام اليوم وصار مع المسلمين على أعدائه فلا أحد يشفع له لأن هذه الشفاعة خاصة لخاص فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في خاص وهو أبو طالب حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأحد غير أبي طالب ولخاص وهو دفاعه عن الإسلام أعظم مدافعة فإن قال قائل كيف نجيب عن قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين قلنا هذه الشفاعة لا تنفعه نفعا تاما وإنما تنفعه بتخفيف العذاب عنه donc ça c'est la fin le cheikh il a expliqué que Donc le cheikh il a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala a permis donc à son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'intercéder pour son oncle. Alors, par son intercession, il sera dans un endroit dans l'enfer où il aura ses deux pieds dans des sandales ou dans des chaussures de feu qui vont faire bouillir son cerveau. Et il va voir que c'est lui la personne qui est le plus grand dans le châtiment dans l'enfer. Et il ne voit personne égal à lui. Il pense que c'est lui qui a le plus dur châtiment, alors qu'il a le plus faible des châtiments de l'enfer. Mais il dit que les gens, quand ils voient le châtiment des autres, s'ils voient quelqu'un qui a un châtiment qui est pire que le sien, ça lui allège son châtiment. Parce qu'il voit que les autres souffrent plus que lui. Si tu vois, par exemple, quelqu'un... toi, tu t'es fait couper une jambe, puis tu vois à côté de toi une personne, il a plus de bras ni jambes. Tu te dis, bon, moi, au moins, j'ai encore une jambe, puis j'ai encore mes deux bras. Lui, il n'a ni bras ni jambes. Donc, c'est comme si tu vas réaliser que tu es mieux quand même que cette personne. Donc, c'est ça que le cheikh, il mentionne. Et il dit, mais dans l'enfer, il n'y a pas de ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 39, dans Surat Az-Zukhruf, qu'aujourd'hui, le fait que yani vous avez fait de l'injustice et que vous êtes réunis dans l'enfer, eh bien, ça ne va pas vous profiter. Le fait que vous soyez réunis, ça ne va pas vous alléger votre châtiment. Donc, vous n'allez pas vous réconforter les uns par les autres dans l'enfer. Non. Et il cite un exemple d'un poème d'une femme qui pleure la mort de son frère. Elle mentionne la tristesse qu'elle ressent par rapport à la mort de son frère, puis elle compare avec les autres qui, eux aussi, ont perdu quelqu'un, et qu'en voulant dire qu'elle, elle ressent plus leur douleur que les autres. Puis le cheikh, il mentionne ça comme un exemple pour comparer le sujet dont il parle, pour m'en donner un exemple. Après, il dit donc que cette intercession, elle est particulière au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle ne pourra pas être pour personne d'autre ou aucun autre kafir qui est dans cette situation-là. Il dit, même si on suppose qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un kafir qui défend l'islam, aujourd'hui, et qui reste avec les musulmans contre les ennemis de l'islam, eh bien, il n'y a personne qui va intercéder pour lui. Pourquoi? Parce que cette intercession-là, pour l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est particulière. Et donc, il dit, c'est une intercession particulière pour une personne particulière, hein, et dans un cas particulier. Donc, il dit, par exemple, une intercession particulière parce qu'elle est seulement pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pour quelqu'un de particulier, c'est-à-dire Abu Talib. Hein, donc, il ne peut pas intercéder pour personne d'autre que lui parmi les kuffars. Et pour quelque chose de particulier, c'est-à-dire parce qu'il a défendu l'islam d'une façon très, très grande. Et si quelqu'un dit, par exemple, oui, mais Allah, il dit dans le verset, « فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ » L'intercession ne va pas leur profiter. Hein, l'intercession des intercesseurs ne leur profiteront pas. Alors, comment elle pourrait profiter à l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là? Alors, le cheikh, il dit, cette intercession, elle va lui profiter, mais pas de façon complète. Elle va seulement lui profiter dans le sens que son châtiment va être diminué et c'est tout. Donc ça, c'est ce qui conclut cette partie dans la foi en le jour dernier. Le prochain cours, Inch'Allah, on expliquera les choses qui ont rapport avec les points de la foi en le paradis et de l'enfer. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم